Oui, Buona. Oui, Buona. Abdullah, couche et repos. C'est une tente ici, et deux là. J'en fais par là avec tous les porteurs. Oui, Buona. Père, ce cri. Bon sang. Ma vie s'appelle en berceau, elle a Jory avec moi. Ma rue s'appelle Sicilia, elle a Capriche avec moi. Mon âme m'appelle pas, elle a Capriche avec moi. La tête s'appelle Regarde, elle a Capriche loin de toi. Ah! Ah ma vie s'appelle en berceau, elle a déjà pris avec moi. Mon âme m'appelle pas, elle a déjà joué avec moi. Ma rue s'appelle Sicilia, elle a déjà mis avec moi. Mon âme